Quand Steven Spielberg et George Lucas nous ont offert Indiana Jones, Dieu les bénisse, beaucoup d'imitateurs se sont lancés dans leur sillage. Avec un peu de réussite, comme À la poursuite du diamant vert, ou pas du tout, comme les Allen Quatermain. Et puis, la Canon a eu une idée de génie. Une copie d'Indiana Jones avec leur plus gros star, le frétillant Chuck Norris. Et le miracle s'accomplit. Le Temple d'Or est un chouette petit film d'aventure qui tire agréablement vers la comédie. Chuck y interprète un aventurier bon enfant, très mauvais tireur, mais grand bagarreur. Lui et son acolyte Louis Gossett Jr. sont embauchés par une jeune femme pour trouver un trésor en suivant une vieille carte. Il va s'en suivre des bagarres de bar, des temples piégés, des tribus plus ou moins coopératives, et surtout un voyage en train qui voit nos deux héros entrer brièvement dans les ordres et en sortir avec fracas. À mes yeux, un des meilleurs films de la canon, et peut-être le meilleur Chuck Norris.